connaissez le générique, c'est aujourd'hui dans l'histoire et c'est votre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 2 mars 1848. Exactement, lendemain de la révolution qui vient de chasser Louis-Philippe de son trône. Ce jour-là, un décret réduit la durée maximale de travail quotidien, une réduction d'une heure. Dit comme cela, ça ressemble à un progrès. Oui, sauf que ça ramène la journée de travail à 10 heures pour Paris et 11 heures pour la province, 66 heures par semaine. Ça laisse quand même pas trop de temps de flâner pour le reste. Hein. Le décret stipule, je cite, qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. Alors j'imagine que cette réduction du temps de travail est en rapport avec la révolution dont vous parliez. Bien sûr, hein, la Deuxième République vient d'être instituée, l'heure est aux réformes progressistes, abolition de l'esclavage, suffrage universel, masculin pour l'instant, de réduction du temps de travail, on vient de le voir, cette règle s'applique à toutes les professions. Il est précisé que tout chef d'atelier qui exigerait plus de 10 heures de ses ouvriers serait puni d'une amende de 50 à 100 francs, ce qui à l'époque est beaucoup, et en cas de récidive, ce sera 200 francs et même, pourquoi pas, la prison. Et dites-moi Franck, à l'époque, cette nouvelle a fait débat ? Oh là là, oui. On trouve déjà, toute proportion gardée, les vifs débats qui ont fait rage il y a quelques années à l'occasion des 35 heures hebdomadaires. Vous imaginez, on est passé de 66 à 35 hein, quand même. Ouais. Les ouvriers et tous leurs défenseurs applaudissent, les patrons crient à la ruine, à la faillite et accusent cette loi de ruiner la France. Cela dit, notez bien que lors de cette éphémère Deuxième République, puisque bientôt on va retomber dans le Second Empire, hein, l'élan social va faire long feu, même cette loi de réduction du travail, 6 mois plus tard, sera modifiée pour ramener la durée du travail quotidien à 12 heures finalement, vous voyez. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14 heures sur Europe 1. Oui, et nous serons au milieu des Mérovingiens pour évoquer la reine Frédégonde.